Praise the Lord. Hallelujah. Remember Sunday. Erinnert euch an Sonntag? Was it not Sunday? Am Sonntag. Our focus should be Christ. Said our focus should be him. Unser Fokus soll er sein. Notre concentration. Amen. Doit être Jésus Christ. The last message. Die letzte Predigt. Amen. And today he said, let us see Christ. Und heute sagt er, lasst uns Christus sehen. Donc, dimanche passé, il nous a dit que notre concentration doit être Jésus Christ. Et aujourd'hui, il nous dit qu'on doit seulement voir le Christ lui-même. Amen. He said, let us see Christ. Er sagt, lasst uns Christus sehen. Il dit qu'on doit voir Jésus Christ. You know, the message we want to go through, we are not even going to go. Let us be patient with the Holy Spirit. Lasst uns geduldig sein mit dem Heiligen Geist. On doit vraiment apprendre à être patient, avoir la patience avec le Saint-Esprit, c'est ce qu'il a dit. He said it's not just reading. You know, people read the Bible. You can read. Some people just say every day I will be reading four chapters. It's not reading. It's the Lord teaching you. Es ist nicht einfach nur lesen, ne? Viele Leute sagen, ich will jeden Tag ein Kapitel lesen. Es geht nicht darum. Es geht darum, dass der Herr dich lehrt. Il s'agit pas seulement de lire. L'Éternel a dit qu'il s'agit de il s'agit pas seulement de lire les chapitres. On doit vraiment avoir une relation avec lui. C'est lui qui va nous apprendre. Et c'est lui qui va nous apprendre. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Let us see Christ. Lasst uns Christus sehen. On doit vraiment apprendre à voir Jésus-Christ. Amen. Amen. He said that is what salvation is all about. Denn darum geht's bei der Rettung. Parce que dans le salut, il s'agit de voir Jésus-Christ. Amen. Amen. Salvation is not just pray the prayer of salvation. Errettung ist nicht nur einfach das Gebet, Rettungsgebet beten. Donc quand on parle du salut, il s'agit pas seulement de la prière. To seek him, that is how we are free. Ihn zu suchen, so sind wir frei. Mais c'est quand on est en train de le chercher à plein à tout cœur, c'est comme ça qu'on est libre. Amen. C'est dans ça notre liberté. To know him and to seek him. Ihn zu kennen, ihn zu suchen. That is salvation. De connaître Jésus-Christ et de le chercher, c'est comme ça que nous sommes libérés. Amen. Das ist Errettung. Et ça c'est le salut. In Colossians 1, it says everything was made by him and for him alone. Colossiens 1 steht, alles wurde für ihn und von ihm erschaffen. Amen. Dans Colossiens 1, il nous a dit que tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Praise the Lord. Amen. And in John 8, he said, until we know him, we are not free. In Johannes 8 steht, erst wenn wir ihn kennen, sind wir frei. You know where it is. Et dans Jean 8, il a dit que c'est quand on a une relation avec l'Éternel, c'est comme ça qu'on est libre. He said, we shall know the truth. Ils ont les vérités. Until we know the truth, Christ is the truth. Until we know him, we are not free. Erst wenn wir ihn kennen, sind wir frei. Il a dit qu'on va connaître la vérité et c'est à travers la vérité on sera libre. Et lui, il est la vérité. Donc ça signifie que quand on lui connaît, c'est comme ça qu'on est libre. Praise the Lord. Hallelujah. Please, let's go to Colossians 1, please. Colossiens 1. On va lire Colossiens 1. From verse 12. Verset 12. Praise the Lord. Mm-hmm. Amen. It said, give thanks unto the Father, which hath made us made to be partakers of the inheritance of the saints in light, who have delivered us from the power of darkness. Praise the Lord. Hallelujah. And have translated us into the kingdom of his dear Son, in whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins. Amen. Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. Verse 16. Verse 16. For by him were all things created that are in heaven and that are in the earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers. All things were created by him and for him alone. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 17. Verse 16. It says, and he is before all things, and by him all things consist. Amen. He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he might have the preeminence. Verse 19. For it pleased the Father that in him should all fullness dwell, Verse 20. Verse 20. Merci, 20. For having made peace through the blood of his cross, by him he reconciled all things unto himself. By him, I say, whether they be things in earth or things in heaven. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And you that we are sometimes alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath he reconciled. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 22. In the body of his flesh, he reconciled us in the body of his flesh. Through death. Amen. Und durch den Tod hat er uns wieder versöhnt. C'est à travers la mort qu'il nous a réconciliés avec l'Éternel. To present you holy and unblameable and unreprovable in his sight. Verse 23. If you continue in the faith, to continue in Christ. Je weitermachen Christus, weiterzumachen Christus, sehr wichtig. Il nous dit ici que mais il vous faut bien sûr demeurer dans la foi, donc demeurer dans la foi en Christ, c'est vraiment très important. If you continue in the faith, grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel, which you have heard, and which was preached to every creature which is under heaven, whereof I, Paul, am made a minister. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. In Christ Jesus is everything that he has for us. In Christus Jesus ist alles, was er für uns hat. En Jésus Christ, il a tout. En Christ Jésus, il y a tout ce qu'il a pour nous. He said everything of him, they are from him to him. Alles von ihm ist von ihm zu ihm. Parce que tout ce qui vient de lui, c'est pour lui et par lui. Look at verse 20 again. From 20, him to verset 20, von ihm zu ihm. Il nous dit que c'est par lui et pour lui. And having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself, from him to him. Von ihm zu ihm. Are you getting it? Yes. By him, I say, whether they be things in earth or things in heaven. Praise the Lord. Amen. It's always Christ to Christ. Von Christus zu Christus. Donc on voit ici à verset 20 qu'il a voulu, il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier. Donc c'est pour lui et par lui. We thank Christ Jesus that it's all about him alone. Wir danken Christus Jesus, dass es nur um ihn geht. Amen. On remercie au Christ parce qu'il s'agit que de lui. If we can be rooted in him, wenn wir in ihm verwurzelt sein können, si on est capable d'être raciné en if lui, we can be rooted that it is him alone, it is about him alone. So verwurzelt, dass es uns nur um ihn geht. Si on est vraiment capable d'être raciné, qu'il s'agit que de lui-même. That we never see us, we see him. Dass wir niemals uns sehen, sondern immer ihn sehen. Amen. Qu'on ne puisse pas se voir nous-mêmes, mais en plus que voir le Christ. That no matter what people are doing to us, it's, you know, we see him and not even the people. Dass egal was Leute uns antun, wir sehen Christus und nicht die Menschen. Parce que quand on est conscient que peu importe ce que les gens veulent faire à nous faire, il ne fait ça pas à nous mais à Christ. Amen. Amen. If we can see Christ alone, wenn wir Christus allein sehen können, si on est capable de voir que le Christ lui-même, that's all about him alone, dass nur um ihn geht, parce qu'il s'agit que de Jésus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Allow it to be Christ alone, please. Lass zu, dass es nur Christus alleine ist. On doit vouloir qu'il s'agit que de Jésus Christ. It is when it is so Christ alone that it is over for Satan. Nur wenn es Christus alleine ist, dann ist es vorbei mit dem Satan. Seulement quand c'est quand il s'agit que de Christ, là c'est fini avec le diable. It is when it is Christ alone. It is just Christ alone. It is all about Christ alone. That is over with Satan and his lies. Dann ist vorbei mit dem Satan und seinen Lügen. Quand tu es capable de voir le Christ seulement lui, là c'est vraiment fini avec le diable. Le diable n'a plus de chance. C'est quand tu es capable seulement de voir le Christ. Let us go to Philippians 1, please. Philippiens 1. On va voir Philippiens 1. Philippiens 1. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Philippiens 1, from verse 27. Philippiens 1, verset 27. Amen. How to be rooted in Christ. Wie wir verwurzelt sind in Christus. Comment être raciné en Christ. It's not by reading the Bible 24/7. Nicht indem wir 24/7 die Bibel lesen. C'est pas quand on regarde, on lit la Bible 24/24. Remember the word of, you know, in Joshua 1, the word of God to Joshua. Erinnert euch an die Worte Gottes an Joshua. Rappelez-vous de la parole de Dieu envers Josué. He said, meditate in my word both day and night. Du sollst in mein Wort nachsinnen. Tag und Nacht. Il a dit qu'il doit méditer sur sa parole, sur sa oui, chaque jour et nuit. Amen. Amen. Conversation is meditation. Unterhaltung ist ist Kommunikation. Quand tu es en train de communiquer avec méditation. Méditation ist Kommunikation. Ach so. Amen. Quand tu es en train de méditer, là tu es en train de communiquer, là tu es en train de méditer. You know, religion turns into just reading the Bible 24/7. Religion sorgt dafür, dass es darum geht, einfach nur die Bibel zu lesen 24/7. Mais ce verset, la religion a changé ça pour eux. Ça signifie maintenant quand on dit que méditer pour eux, ça signifie maintenant lire la Bible chaque jour. What about those that they are not, that they cannot even read the Bible? Was ist mit Menschen, die nicht lesen können? Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens qui ne savent pas lire? Weil sie nicht gebildet sind. Les illiterés, par exemple. Praise the Lord. Analphabeten. Look at it from verse 27 here. He 27. Says, verse 27. Oh, only let your conversation be as it become the gospel of Christ. Conversation. Your communication. Deine Kommunikation soll Christus allein sein. Mm-hmm. Donc il dit ici à verset 27 que ta communication ça doit être vraiment le Christ. Amen. Amen. Don't allow your heart to depart from him. That's it. Don't allow what it's not I know, but just say what you know. Mm-hmm. If he is dead, speaking. Mm-hmm. Let your conversation, your communication with anyone be Christ alone. Dass so seine Kommunikation, dass seine Unterhaltung nur um Christus geht, ne? Dass sag nicht, dass du es weißt, aber sagst dann, sprich dann den Tod aus. Und wenn du das Leben kennst, dann sprich auch das Leben aus. Donc ta communication, quand tu es en train de parler, ça doit, de ta bouche, c'est seulement le Christ qui doit sortir. Tu ne peux pas dire que oui, je connais, je sais, je connais la Bible, je connais sa parole, mais tu es en train de parler, de dire la mort. Tu parles comme le monde est en train de parler. Donc si tu sais que tu connais la vérité, alors parle selon la vérité. Praise the Lord. Hallelujah. You know, if those that are not Christ, if your conversation, your communication with them is Christ alone, you will look languishing. They will leave you. Die Menschen, die nicht Christus sind, wenn du mit ihnen immer nur über Christus redest, werden sie gelangweilt sein. It's only those that are really saved. Nur die wirklich errettet sind, die wahrhaftigen Kinder Gottes, die genießen es, mit dir Unterhaltungen zu führen, mit dir zu reden, sich auszutauschen mit dir. Et du coup, quand tu vas commencer à parler, avoir des relations avec les gens, tu parles, quand c'est seulement le Christ qui sort de ta bouche, tu vas voir que tu deviens même, ils vont commencer à s'ennuyer, parce que tu n'es plus intéressante pour ces personnes. Mais c'est seulement les vrais enfants de Dieu, quand tu parles avec eux, tu vas voir que tu es... que oui, pour eux tu es intéressant parce que ce qui vient de ta bouche c'est de leur père, vous avez la même idéologie en fait, et c'est par là que tu vas voir que seulement les enfants de Dieu oui, parlent vraiment du Christ 24/24. Amen. Amen. Praise the Lord. And that's why they will not even invite you in their birthday. Das wirst du auch auf Geburtstage nicht eingeladen. Et c'est pour cela ils vont pas t'inviter dans leur anniversaire. Because they know that your conversation is going to be Christ alone. Denn sie wissen, dass deine Unterhaltung einfach nur Christus allein sein wird. Parce qu'ils savent que quand ils vont parler avec toi, il s'agit que de Jésus-Christ et ils n'ont pas envie de l'entendre. Because they know that it's not going to be the person that is celebrating the birthday, but Christ alone. Weil sie wissen, es wird da nicht um die Person gehen, die Geburtstag feiert, sondern es wird um Christus alleine gehen. Parce qu'ils savent que dès qu'ils vont commencer à parler avec toi, il ne s'agit plus de leur anniversaire ou bien de leur anniversaire ou bien de leur fête, mais il s'agit maintenant de Jésus-Christ. And they are all evidence against them. Und das sind alles Zeugnisse gegen sie. Et tout ça, ce sont des témoignages contre ces personnes. Praise the Lord. Amen. Amen. Again. Only let your conversation be as it's becoming the gospel of Christ. That whether I come and see you or else be absent, I may hear of your affairs, that you stand fast in one spirit. Praise the Lord. Hallelujah. He's speaking to the whole church. Er spricht zu der ganzen Gemeinde. Ici il parle fast in one spirit. Dass sie feststeht in einem Geist. Ici il parle à l'église, toute l'évangile doit être. Il a dit que à verset 28, sans vous laisser intimider et rester ferme en Christ. And with one mind. Mit einer Gesinnung. That mind should be Christ. It's only Christ that can be one. Das we with Satan, it will be divided. But it's only through Christ, through the truth, we can be one. Nur durch Christus können wir eine Gesinnung haben. Aber wenn wir, wenn es um den Satan geht, dann wird jeder seinen eigenen Gedanken und Meinung haben. Et puis il nous dit que on doit vraiment être un avec avec les avec le Christ, parce que c'est seulement à travers le Christ qu'on va avoir une idéologie, donc une pensée. Et c'est comme ça qu'on doit être. It says striving together for the faith of the gospel. Praise the Lord. Verse 28. And in nothing terrified by your adversaries, which is to them an evidence token of perdition, but to you of salvation and that of God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 29. For unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on him, but also to suffer for his sake. Not only to believe, to also to suffer. Nicht nur zu glauben, sondern auch zu leiden, weil wir uns für ihn entscheiden. Wenn wir uns für Christus entscheiden, werden wir leiden. Et puis dit que car c'est une grâce qu'il vous a fait à vous à l'égard du Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Donc, c'est, il nous fait voir aussi que c'est une grâce de souffrir pour lui aussi. If you choose Christ, there will be persecution. Ben, wenn du dich für Christus entscheidest, wird es Verfolgung geben. Parce que si tu te décides de choisir Jésus-Christ, là, tu seras persécuté. If you choose Christ, there will be rejection everywhere. Es wird Abweisung geben. On va te rejeter. C'est all those that live godly in Christ Jesus. Alle, die gottesfürchtig in Christus Jesus leben, werden Verfolgung erleiden. Donc tout le monde qui sont en train de suivre Jésus-Christ, eux, ils seront persécutés. C'est une promesse même. Verset 30. Which you saw in me, and now here to be in me. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Also in 1 Corinthians 15, verse 33. Erster Korinther. Communication. Corrupt good manners. Amen. Yeah. Is there? Amen. Yeah. Any communication that is not of Christ is evil communication. Jegliche Kommunikation, die nicht von Christus ist, ist eine bösartige Kommunikation. Chaque communication qui n'est pas du Christ, c'est une mauvaise communication. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. You know, in Ephesians 3, you see what Paul said. Please, can somebody follow them so that will help them? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In Ephesians 3, from verse 12 to the end, you can see Paul's prayer for us there. Sehen wir Paulus' Gebet für uns. Et on va voir à Ephesians 3 que Jésus-Christ, il a prié pour nous. Amen. Ephesians 3 from verse 12. Ephesians 3 from verse 12. Ephesians 3 verse 12. He said, in him we have boldness. In the Holy Ghost we have boldness. Im Heiligen Geist haben wir die Zuversicht. Amen. À travers le Saint-Esprit, on a vraiment un courage, une courage. There's no spirit of fear in the Holy Ghost. Im Heiligen Geist haben wir keine Angst. À travers le Saint-Esprit, on n'a pas de peur. Amen. In whom we have boldness and access with confidence by the faith of him. Wherefore I desire that you faint not at my tribulation for you, which is your glory. Paul was really facing tribulation. Paulus hat wirklich Verfolgung und Drangsal erlitten. Et on voit ici que Paul, par exemple, il avait vraiment beaucoup de problèmes, il avait des tribulations. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. He was really facing tribulation. Mm. Amen. Er hat wirklich Drangsal erlitten. Faith, no, don't give up because of me. Gibt es auch wegen mir, durch das, wegen dem, was ich durchmache. Donc il a dit que de ne pas à l'église de rester courageux et de ne pas baisser les bras à travers sa tribulation, d'être courageux, de ne pas avoir peur. Praise the Lord. Alléluia. Amen. There's no fear in the Holy Ghost. Es gibt keine Furcht im Heiligen Geist. Il n'y a pas de peur à travers le Saint-Esprit. Go to Romans 8, it's there. Amen. Romans 8, lesen wir das. 15 bis 18. Romains 4, versets 15 à 18. Amen. Romains 8, verset 15. Oui, pardon. From 15, let's go there. Put something here. Romains 8. Romains 8, please. Romains 8, versets 14 à 18. 15. 18. Romains 8. Heirs of God and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with him, that we may be also glorified together. Amen. Amen. Verse 18. Romans 8. For I reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Whatever you are going through, was immer du durchmachst, weil du dich für Christus entscheidest. Donc, et il dit que peu importe ce que tu es en train de surpasser à travers pour lui parce que tu es en train de lui choisir. Amen. Amen. The victory in it. Der Erfolg darin. Cannot compare it to whatever you are even suffering from. Kannst du nicht mit dem vergleichen, was du jetzt gerade erleidest? Tu vas voir que la victoire qui se trouve dans cette persécution, tu ne peux même pas comparer avec avec la persécution elle-même. Donc la victoire sera plus grande. Elle sera vraiment glorieuse. Please back to Ephesians 3. Ephesians 3, verset 14. Look at the prayer Paul prayed for us. Hört euch an, was Paulus hier für uns betet. On va voir la prière de Paul. He said, for this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and in earth is named, that he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might by his Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your heart by faith, that you be rooted and grounded in love. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 18. Verse 18. May be able to comprehend with all saints what is the breadth and the length and the depth and the height. Verse 19. And to know the love of Christ, which passeth understanding, which passeth knowledge, that you might be filled with all the fullness of God. Now unto him that is able to do exceeding abundantly, above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Unto him be glory in the church by Christ Jesus, throughout all ages, world without end. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. What is salvation? Qu'est-ce qui est le salut? It is not just the Lord came to save us. Es ist nicht nur, dass der Herr gekommen ist, um uns zu retten. Le salut n'est pas que seulement que le fait que Jésus-Christ est venu pour nous sauver. What man call to save? Was Mensch Errettung nennt? C'est que l'être humain appelle le salut. Amen. Mm-hmm. You know, was it last week when we went out, myself and Stasia and Tunja and some of us. You know, This man was, I said, do you even know what salvation is? He said, yes. He said, yeah, salvation is to save. You know, it's not what religion we call to save. Als wir damals diesen Mann auf der Straße getroffen haben und ihm geredet haben, hatte ich ihn gefragt, was er Rettung bedeutet. Und er hat gesagt, ja, jemanden zu retten. Aber Rettung ist mehr als einfach nur jemanden zu retten. On avait croisé un homme et on a parlé avec lui la semaine passée. Je lui ai demandé, est-ce que tu sais qu'est-ce qu'est le salut? Il a dit que oui, ben, le salut c'est de sauver quelqu'un. Mais le salut en Christ, c'est plus que ça. It is the return of relationship. Es ist eine Rückkehr in die Beziehung mit dem einzig wahrhaftigen Gott. Le salut c'est c'est un, le retour de la relation avec le vrai bon Dieu, le seul vrai bon Dieu. Amen. The return of the love relationship with Christ. Die Rückkehr in die Liebesbeziehung mit Christus Jesus. Le retour de la relation amoureuse avec Jésus-Christ, avec notre Dieu. It is return, the return, because we once lost it. Weil wir haben es verloren. Wir waren eins in dieser Beziehung. Amen. C'est le retour, parce que on avait eu ça une fois avant la chute de l'homme. Mais après la chute de l'homme, on n'avait plus. Et c'est pour ça que maintenant, il nous a fait retourner dans la position qu'on avait avant. Vor dem Sündenfall. Amen. Salvation is the return of God kind of peace. Errettung ist die Rückkehr von Gottes Frieden. Le salut, c'est le retour de la paix de Jésus-Christ, de Dieu. God kind of peace with God, with the true God, only true God. The peace with the only true God, that's salvation. Der Frieden mit dem wahrhaftigen Gott, das ist Errettung. Le salut, c'est le retour de la paix avec le seul vrai bon Dieu, c'est ça le salut. Amen. Amen. Salvation is the return. Let's go to Luke 2. Lukas 2. On va lire Luke 2. And see how they were rejoicing when Jesus was born. Uns anschauen, wie sie sich gefreut haben, als Jesus geboren wurde. Et on va voir comment ils se sont réjouis quand Jésus-Christ est né. They were not rejoicing that there would be no poverty. Sie haben sich nicht gefreut, weil es keine Armut geben würde. Oder weil es jetzt überall Geld geben würde. Donc on voit qu'ils se sont réjouis, mais leur raison d'être de leur joie, c'était pas à cause de l'argent ou bien des choses mondaines. There was this joy was not based on we are going to marry and have children. Diese Freude basiert nicht darauf, dass Leute heiraten und Kinder bekommen werden. Leur joie, c'était pas basé sur le fait que les gens vont se marier et avoir des enfants. This joy was not based on we are going to have houses or pass our exam. Oder dass wir Häuser kaufen werden oder bekommen werden oder Prüfungen bestehen werden. Leur joie, c'était pas que oui, on va avoir des maisons, on va acheter des maisons, on va passer nos examens, on aura des titres. Praise the Lord. Hallelujah. If we read from verse 6 to 14, let's look at it for this. 6 bis 14. Luke 2, 6 à 14. Felix, can you help us to read verse 6? Es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And so it was, that while they were there, the days were accomplished that she should be delivered. Mary was going to deliver Jesus. Maria sollte Jesus gebären. Ici on voit verset 6 que le temps est presque accompli où elle va, Marie va enfanter. Verse 7, please. 7. Verset 7. And she brought forth her firstborn son and wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger because there was no room for them in the inn. And there were in the same country shepherd abiding in the field, keeping watch over their flocks by night. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone around about them, and they were so afraid. And the angel said unto them, fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be of all people. Verse 11. For unto you is born this day in the city of David Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you. You shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. Verse 13. And suddenly there was with the angel a multitude of heavenly hosts praising God and saying, Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God in the highest, and on earth peace and good will towards men. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Yeah. You can see their joy. Et tu vas voir ici que le ciel était il avait beaucoup de joie dans le ciel. The joy of our salvation. Die Freude über unsere Rettung. Oui, c'était la joie de notre salut. He said peace between God and man. Frieden zwischen Gott und Mensch. Donc la paix, il a dit au verset 14, gloire dans les eaux, dans les hôtes à Dieu et sur la terre paix aux hommes, objet de la bienveillance divine. Donc paix aux hommes. Amen. Entre l'homme et l'Éternel. Praise the Lord. Alleluia. You know, Jesus did not come to bring peace between man and man. Jesus ist gekommen, peace between God and man. Zwischen Menschen und Menschen zu bringen, sondern Frieden zwischen Gott und den Menschen. On doit être conscient que Jésus-Christ n'est pas venu pour nous donner la paix entre des êtres humains, mais il est venu pour nous donner la paix entre Dieu et l'être humain. That's the message of religion today. Und das ist die Botschaft der Religion. Peace between man and man. Sie denken, es geht Frieden zwischen Mensch und Mensch. Mais c'est la religion qui veut nous faire penser qu'il s'agit de la paix entre les êtres humains ici sur terre. Salvation is the return of God kind of peace. Errettung ist der Rückkehr. God and man. Zwischen Gottes Frieden zwischen Mensch und Gott. Pourtant que le salut est la paix entre l'Éternel et l'être humain. It means there is no more war between God and man. Ça, c'est qu'il n'y a plus de guerre entre Gott und Menschen. Ça signifie qu'il n'y a plus de guerre entre l'être humain et Dieu comme il y avait en avant. Praise the Lord. Après la chute de l'homme. What have we called problem on earth? Was der Himmel Problem auf Erden? It's not so. Ist jetzt gelöst. Are you getting it? C'est que c'est que le royaume des cieux appelle problème sur terre a été résolu. Before Christ, it's only one problem. God only see one problem. Christus sieht Gott nur ein Problem. Mm-hmm. Donc ici Dieu voit ce que devant Christ Dieu voit qu'un seul problème. That problem is lack of peace between you and Christ. Dieses Problem ist dieser mangelnde Frieden zwischen dir und Christus. Le seul problème qui existe, c'est quand tu n'as pas de paix avec Jésus-Christ. No matter the sicknesses or diseases you have, the Lord never sees it as a problem. Egal was für Krankheiten oder Probleme du hast, der Herr sieht das nicht als das Problem. Peu importe quelle maladie que tu as, l'Éternel ne voit pas ça comme problème. You know, no matter how poor you are, he never sees it as problem. Egal wie arm du bist, er sieht das nicht als das Problem. Même si tu es vraiment pauvre, l'Éternel ne voit pas ça comme problème. You know, just remind yourself. You know, you are here. You have been here on earth. You know what my call problem. Du bist hier auf Erden. And the Lord never see them as problem. Du weißt. We didn't have just a singular. That is peace between you and him. Du bist hier auf Erden und kannst mehr oder weniger einschätzen, was ein Problem ist für Menschen, was kein Problem ist für Menschen. Aber hier sagt der Herr ganz klar, es gibt nur ein Problem. Das ist dieser mangelnde Frieden zwischen dir und Gott durch Jesus Christus. Tu vas voir ici sur terre qu'il y a beaucoup de sortes de problèmes, mais l'Éternel lui voit que un seul problème et ce problème c'est cette manque de la paix entre toi et Jésus-Christ. C'est pas les problèmes que le monde peut compter ici. And that's why he said, no, you know, that's why what killed them cannot kill God's children. Deswegen, das, was sie tötet, kann Kinder Gottes nicht töten. Ça signifie que ceux qui peuvent les tuer, ça peut pas tuer les enfants de Dieu. Because he himself never even see those things as problems. Denn er selbst sieht diese Dinge nicht als Problem. Parce que lui-même, il ne voit pas ces problèmes là comme des problèmes. Because those problems, they are under your feet. Weil diese Probleme unter deinen Füßen sind. Parce que ces problèmes là sont sous tes pieds. Toi, tu es au-dessus de tous ces problèmes. But what he sees as problem is your relationship with him. There should be, you know, you should never allow anything to affect it. Your relationship with him. Yeah. It means your relationship with one another in the church. Deine Beziehung mit ihm, daran darf kein Haar, darf nichts dran zu bemängeln sein, weil das ist das wahrhaftige Problem, nicht die Krankheit, nicht der Unfall, nicht sonstiges, sondern es geht um diese Beziehung. Diese Beziehung äußert sich auch in der Beziehung, die du mit deinen Geschwistern Christus Jesus hast, hier in dieser Gemeinde. Donc tu vas voir que tout ce que toi tu appelles problème, ce monde appelle problème, c'est même pas le problème que l'Éternel voit. Lui, son problème, quand il, le problème que lui, ce qu'il titulaire comme problème, c'est quand tu n'as pas relation avec lui, ou bien ta relation avec tes frères et sœurs est, est un peu difficile. Tout ça, c'est ça pour lui. C'est ce que lui, il titulaire que tu as un problème. Praise the Lord. Amen. The birth of peace between God and man. Die Geburt von Frieden zwischen Gott und Mensch. La naissance de Jésus-Christ, c'est la paix de l'être humain et Dieu. What heaven calls problem on earth. Was der Himmel Problem auf Erden nennt. C'est que le royaume des cieux appelle problème sur terre. It's lack of peace between God and man. C'est le manque de Frieden zwischen Gott und Mensch. C'est la manque de la paix entre l'être humain, le manque de la paix entre l'être humain et Dieu et l'Éternel. And that's what we are able to call problem. Und das sollten wir als Kinder Gottes auch nur als Problem sehen. Et ça, c'est ce que nous, les enfants de Dieu, on doit considérer comme seul problème. Amen. What we have to see as problem is our relationship with Christ. If it's not going on well. Das sollten wir als Problem sehen. Means our relationship with one another. Wenn unsere Beziehung mit Christus Jesus nicht intakt ist, wenn die Beziehung, die wir miteinander haben, nicht intakt ist. Donc le seul problème que nous, les enfants de Dieu, on doit considérer vu que nous sommes du royaume des cieux, c'est quand on n'a pas une bonne relation avec l'Éternel ou bien entre nous, les enfants de Dieu, on n'a pas une belle, notre relation n'est pas intacte. C'est ça le seul problème qu'on a. You know how you know there's relationship, there's problem with your relationship with Christ. It is when there's a problem with your relationship with one another. Immediately you have to know that there is problem. Weißt du, dass es ein Problem gibt in deiner Beziehung mit Christus, indem du Probleme hast mit der Beziehung, die du zu deinen Geschwistern Christus hast? Dann erkennst du das. Si tu as un problème avec un de tes frères et sœurs en Christ, là tu vas reconnaître que tu as un problème avec oui, avec l'Éternel. We are not different from Christ. Wir sind nicht anders als Christus. Amen. Amen. So how, what he call problem should be what we call problem. Sie, was Problem nennt, ist das, was wir Problem nennen sollen. Et c'est que lui il appelle problème, c'est que nous aussi on doit appeler problème. So also salvation is not about forgiveness of sin. In der Errettung geht es nicht nur die Vergebung der Sünden. Et quand on parle du salut, il s'agit pas que on doit te pardonner les péchés. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. It is not just about, you know, kneeling down and praying the prayer of salvation. Es ist nicht nur einfach sich hinknien und das Errettungsgebet beten. Il ne s'agit pas de, oui, de s'agenouiller, oui, et prier de la prière d'être né de nouveau, en fait. Praise the Lord. Hallelujah. It is about love relationship with Christ Jesus. Es geht um eine Liebesbeziehung mit Christus Jesus. Il s'agit d'une relation amoureuse avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord wants us to know much about heaven. Der Herr möchte, dass wir mehr über den Himmel wissen. L'Éternel veut qu'on puisse savoir de plus concernant le royaume des cieux. Amen. Amen. He wants us to be rooted in it so much. Er möchte, dass wir so sehr darin verwurzelt sind. Il veut qu'on puisse vraiment être raciné dans son amour, dans son royaume. If you look at Jesus, he was so rooted in heaven. Wenn wir auf Jesus schauen, sehen wir, dass er so verwurzelt war im Himmel. Si on voit vers Jésus-Christ, on va voir qu'il était vraiment raciné au royaume. I'm talking about those that are really saved, that are truly saved. Ich spreche über die wirklich errettet sind, wahrhaftig errettet. Je parle concernant les gens qui sont vraiment nés de nouveau, qui sont qui ont leur salut. Praise the Lord. Amen. Salvation is not seeking to make heaven. Errettung, da geht es nicht darum, es in den Himmel zu schaffen. Dans le salut, quand on parle de salut, il s'agit pas, d'entrer dans le royaume des cieux. Religion seek to make heaven. Religion strebt danach, in den Himmel zu gehen. Parce que c'est la religion qui est en train de chercher d'entrer dans le royaume des cieux. Especially the Muslims and the Christians. Besonders die Muslime, they always seek to make heaven. Sie streben nach dem Himmel. Surtout les musulmans et les chrétiens, eux, ils sont vraiment en train de chercher d'entrer dans le royaume des cieux, You never seek the only true Christ and not be in heaven. Wenn du suchst nicht den wahrhaftigen Gott und bist dann nicht im Himmel. Mais toi, tu ne peux pas chercher le vrai bon Dieu et ne pas être dans le royaume des cieux. By seeking heaven, we make you mix Christ. Aber dem Himmel zu streben wird dafür sorgen, dass du Christus verpasst. Mais quand toi tu es en train de chercher, donc avec toute force tu es en train de chercher d'entrer dans le royaume des cieux, là tu vas même rater le royaume des cieux parce que ta concentration n'est pas sur le Christ, mais c'est sur le royaume. Amen. Because religion today is all about to go to heaven. Parce que dans leur religion, il s'agit toujours d'entrer dans le royaume des cieux. But for us, it's all about Christ Jesus. Aber uns geht's einfach nur um Christus Jesus. Mais pour nous, il s'agit de Jésus-Christ lui-même. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Amen. You know, Jesus never seek to go to heaven. Jesus hat nicht danach gestrebt, in den Himmel zu gehen. Jésus-Christ, lui, il se concentrait pas de entrer dans le royaume des cieux. Because he himself is heaven. Amen. Er selbst ist der Himmel. Amen. Parce que lui-même, il est le royaume des cieux. Is somebody getting it? Yes. He never seek to go to heaven. Er hat nicht danach gestrebt, in den Himmel zu gehen. Il n'a pas cherché à entrer dans le royaume des cieux. Because it does not matter where you are. Denn c'est egal, wo du bist. Parce que peu importe où tu es. Amen. Amen. He is heaven. Er ist der Himmel. Lui, il est le royaume des cieux. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Anywhere we are, egal wo wir we sind, are citizens of heaven. Sind wir Bürger des Himmels. Peu importe où on est, nous sommes des citoyens du royaume des cieux. We are already there. Wir sind schon da. You know, I will not seek to go to where I already live. Ich werde nicht danach streben, wohin zu gehen, wo ich schon wohne. Donc moi je veux pas chercher à être à repartir là où oui, j'ai déjà quitté. Non, non, non, sorry. Je veux pas chercher à être dans un endroit où je vis déjà. OK, je veux pas chercher à être un endroit où je vis déjà. If I'm already here in this house, I will not seek to come here. Wenn ich in diesem Haus bin, because I'm already here. Mm-hmm. We don't seek to go to heaven. Once he comes to Christ, there's nothing earthly. Everything of Christ is of heaven. Amen. Weil alles von Christus Jesus ist himmlisch und nicht irdisch. Mm. Parce que si je vis déjà ici, je veux pas chercher encore à vivre, à revenir à vivre ici parce que je vis déjà ici. Et oui. Amen. Amen. And that's why I don't seek to be healed. Deswegen suche ich auch nicht nach Heilung. Et c'est pour cela je ne cherche pas à être, oui, à la guérison. Because you never come to Christ and be sicknesses and diseases. Du kommst niemals there's no sicknesses and diseases in here. Und bleibst in heaven. In Gefangenschaft bleibst in Krankheit. In der Krankheit gibt es im Himmel nicht. Amen. Et c'est pour cela tu ne viens pas vers Jésus-Christ et tu restes malade parce que Jésus-Christ lui il est la guérison. Amen. Donc tu ne peux pas venir chez lui et rester malade. And that's why you never come to Christ and seek to pass. Du don't seek to pass. You don't pray to pass your exam. Deine Prüfung zu bestehen. Et c'est pour cela tu ne viens pas vers Jésus-Christ et tu pries de passer tes examens. Are you getting it? Because fail or pass does not matter in heaven. Denn bestehen oder nicht bestehen, it matters here on earth. Aber hier auf Erden. But in heavenly world, fail or pass does not matter. Hier auf Erden. I go to school, I did not go to school, does not matter. I'm black or white does not matter. But what matter is Christ. Amen. Hier auf Erden ist bestehen oder nicht bestehen wichtig. Hier ist schwarz oder weiß sein wichtig. No? Hier ist Bildung haben und nicht haben wichtig. Aber im Himmel ist es das nicht. Und deswegen bin ich himmlisch gesinnt und nicht irdisch gesinnt. Ja. Donc, tu vas voir que ici sur Terre, c'est pour les gens de cette Terre, c'est vraiment important de partir à l'école, bien ne pas partir à l'école, de passer ou bien de ne pas passer. Mais dans le royaume des cieux, c'est pas important. C'est pas important si tu passes les examens ou pas. C'est pas important si tu es noir ou bien tu es blanc. Ça n'a pas d'importance tout ça. You know, the Christians, they fast and pray a lot to pass in the school. Die Christen, sie fasten und beten, um zu bestehen in der Schule. Les chrétiens, par exemple, eux, ils sont en train de prier et faire des jeûnes de prière pour passer les examens. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let's go to John 8, please. Johannes 8. Even to see, to see. Zu sehen. To see. Amen. Amen. To see, you don't pray to see. Du betest nicht zu sehen. Donc nous on ne prie pas pour voir. Amen. Because you never come to Christ. You never be Christ and not see. Du kommst nicht zu Christus und bleibst blind. Du wirst sehen können. Donc tu viens pas vers Jésus-Christ et tu restes aveugle. Tu dois être capable à voir. John 8, verse 12. Jean 8, verset 12. Then speak Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. Praise the Lord. Hallelujah. You never come to me and remain blind. Du kommst nicht zu mir und bleibst blind. Donc, vu qu'il est la lumière du monde, de ce monde, tu ne viens pas vers lui et tu restes aveugle parce que lui, il est la lumière. Then speak Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Again, you cannot be Christ and not see. Du kannst nicht Christus sein und blind bleiben. Encore une fois, tu ne peux pas être en Christ et rester aveugle. We don't seek to go to heaven. Wir streben nicht danach, in den Himmel zu gehen. Nous, on cherche pas d'entrer dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Don't pray like them, please. Bete nicht so wie sie. Donc ne prie pas comme eux. Just thank the Lord, you are already in heaven. Danke dem Herrn, dass du schon im Himmel bist. Remercie l'Éternel que tu es déjà au royaume des cieux. Again, we don't seek to go to heaven. Wir suchen nicht danach, in den Himmel zu gehen. Donc nous, on cherche pas d'entrer dans le royaume des cieux. It is flesh and not of the spirit. Das ist fleischlich und nicht Geist. Parce que de vouloir entrer dans le royaume des cieux, ça c'est charnel, c'est la chair et c'est pas l'esprit. Amen. Amen. It is hope and not faith. Es ist Hoffnung und nicht Glauben. C'est une the hope. The hope to make it. Die Hoffnung es zu schaffen. Donc eux sont en train d'espérer d'entrer dans le royaume des cieux. Donc c'est l'espoir et c'est pas la foi. Praise the Lord. Amen. Hébreux 11. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 6, please. Yeah, Vers 6. Is that verse? 11, verset 6. Praise the Lord. But without faith, it is impossible to please Him. Amen. It's not without hope, but without faith. Il steht ohne Glauben, ist es unmöglich, nicht ohne Hoffnung, ist es unmöglich. Il a dit ici, sans la foi, c'est impossible de lui plaire. Il a dit sans la foi, il n'a pas dit sans la, sans l'espoir. Sans l'espoir. Amen. Amen. I want to go to heaven. It's not faith, it's hope. Zu sagen, ich will in den Himmel gehen, ist kein Glauben, sondern eine Hoffnung. Si tu dis que je veux entrer dans le royaume des cieux, j'aimerais bien entrer dans le royaume des cieux, c'est pas la foi, ça c'est l'espoir. Amen. Amen. Faith is, I'm already there. Glauben ist, ich bin schon da. Because of the Christ in me. Wegen Christus in mir. Là, c'est l'espérance, parce que quand tu as la foi, tu vas dire que je suis déjà dans le royaume des cieux parce qu'il vit en moi. Amen. Là, c'est une certitude, en fait. We don't seek to go to heaven. Wir streben nicht danach, in den Himmel zu gehen. Nous, on ne cherche pas d'entrer dans le royaume des cieux. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. To go to heaven also means to have anything here on earth. To have money. To pass your exam. Mm. To have children. To have husband. To have, you know, to have car. To have houses. That, you know, that's what they seek. Mm-hmm. They seek to go to heaven. You can see it. It's always to. It's always to hope. It's never I am. Mm-hmm. It's never I. Amen. Das Streben nach dem Himmel zeigt sich auch nach dem Streben nach Ehe, das Streben nach Kindern, das Streben nach einer Karriere, das Streben nach Sicherheit. Aber all diese Streben haben wir nicht mehr, weil wir einfach wissen, dass wir alles schon haben durch Christus Jesus. Quand on est en train de chercher d'entrer dans le royaume des cieux, quand on a l'espoir, l'espérance d'entrer dans le royaume des cieux, c'est comme si on est en, c'est aussi comme en étant, comme si on était en train de chercher d'avoir un mari, des enfants, d'un bon travail, de la voiture, tout ça. Mais ça, c'est quelque chose, c'est charnel. L'esprit, c'est quand tu... oui, c'est charnel en fait. Amen. Amen. Parce que, nous, on ne cherche pas ces choses parce qu'on l'a déjà. Oui. Parce qu'on a Jésus-Christ en nous. Voilà. Oui, voilà. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. To have anything of Christ. Irgendwas von Christus zu haben. Pour avoir quelque chose du Christ. You don't pray to have them. Du betest nicht, Dinge zu bekommen. On ne prie pas pour les avoir, pour les obtenir. Because Christ never come to you without his properties. Denn Christus kommt niemals zu dir ohne seinen Besitz. He never come to you and live inside you with empty hands. Er kommt nicht zu dir und lässt dich leer ausgehen. Parce que l'Éternel ne vient pas en toi sans ses biens. Donc quand il vient avec tous ses biens. Er kommt mit seinem Besitz. Amen. Amen. You know, that's why you never allow Satan to come in and pray for his belongings also. Mm-hmm. Amen. You know, it's automatic. He comes with all his own properties also. Genauso auch beim Satan. Wenn du zum Satan gehst, musst du ihn nicht darum bitten, mit seinem Besitz zu kommen. Er wird mit seinem Besitz kommen. Tout comme quand tu vas chez le diable et tu changes de coin, tu vas pas prier pour qu'il puisse, emmener tous ces mauvais esprits et toutes ces mauvaises choses. Il va venir automatiquement avec toutes ces mauvaises choses. Mm. On va lire Matthieu 11. And that's why you don't need to teach anyone how to steal, kill, destroy. Mm. Amen. Because Satan always comes with his own properties. Mm. Niemanden, don't need to teach them. Lehren, and they already have a teacher. Lehren, zu stehlen, zu töten, zu zerstören, weil durch ihren Vater, den Satan, haben sie schon einen Lehrer, der ihnen das beibringt. Et c'est pour cela que tu n'as pas besoin d'apprendre à quelqu'un de mentir, de tuer ou bien, oui, de détruire, parce que ils ont appris ça de leur père. Leur père est toujours présent avec eux et il fait ça à travers eux. Matthew 11:27. Matthew 11, verse 27. Matthew 11, verse 27. He said, all things are delivered unto me of my Father. All things. Alle Dinge. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Donc toutes choses. Amen. Amen. And if you have Christ, you have all things. Wenn du Christus hast, hast du alle Dinge schon. Et si tu as le Christ, tu as déjà tout. Praise the Lord. Alleluia. We should not seek anything. Wir sollten nach nichts suchen. On ne doit pas chercher des choses. Praise the Lord. Alleluia. Matthew 5 says we must be perfect. Matthäus 5 steht, wir sollen vollkommen sein, so wie er. Matthieu 5 nous dit qu'on doit être parfait comme lui. You know, Jesus was not one with his mother, but with his father. Jesus war nicht eins mit seiner Mutter, mit seinem Vater. Jésus n'était pas un avec sa mère, mais il était un avec son père. Praise the Lord. Hallelujah. He said, my father, I am my father, we are one. Ich, he never said, I am my mother, we are one. Ich gesagt, ich, meine Mutter, wir sind eins, ja. Donc Jésus-Christ, il a toujours dit que moi et mon père, nous sommes un. Il n'a jamais dit que moi et ma mère, nous sommes un. Mm. Amen. Mm. He was not one with his father and also one with his mother. Er war nicht eins mit seinem Vater und eins that's mit seiner Mutter. That's what we try to do all the time. Aber ist das, was wir heute versuchen? Is somebody getting it? Donc, il était toujours un avec son père et non avec, pas avec sa mère, comme les gens veulent le faire aujourd'hui. Are you getting it? Mm. We are one with Christ. We say we are one with Christ, but we are one with the world. Wir sagen, wir sind eins mit Christus, wir sind auch eins mit der Welt. Sont comme les gens de ce monde disent toujours, je suis un avec le Christ, mais je suis aussi un avec ce monde, avec ma famille naturelle, avec oui. Amen. Amen. We are one with Christ, but also we are one with, with the flesh. Wir sind eins mit Christus, aber auch eins mit dem Fleisch. Nous sommes un avec le Christ, mais aussi avec la chair. Go to 2 Corinthians. 2 Korinther. 2 Corinthians. 6. 2 Korinther 6. No wonder I wrote here, because you cannot be one with both. Kein Wunder, dass er was er hier geschrieben hat, denn du kannst nicht eins sein mit beidem. 2 Korinther 6:14 bis zum Ende. Please let it be your homework. Lass zu, dass das eure Hausaufgabe ist. 2 Korinther 6:1 jusqu'à la fin. Praise the Lord. Hallelujah. He said, be ye not unequally yoked together with unbelievers. 14 jusqu'à la fin. Amen. Amen. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion had light with darkness? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. You cannot, he did not say, I'm one with my father and I'm also one with my mother. Er hat gesagt, ich bin eins mit meinem Vater und eins mit meiner Mutter. Ne vous attachez pas à un même joug avec les infidèles, car quelle société a-t-il être la justice et l'iniquité? Ou cas de commun de la lumière avec les ténèbres? Donc tu ne peux pas être un avec le Christ et être un avec le monde. Praise the Lord. In verse 15, it says, and what concord hath Christ with Belial? Or what part hath he that believeth with an infidel? 16. And what agreement had the temple of God with idols? For you are the temple of the living God. Praise the Lord. Hallelujah. As God has said, I will dwell in them and walk in them. And I will be their God, and they shall be my people. Amen. Verse 17. Verse 17. Wherefore, come out from among them, and be ye separate, said the Lord. Mm-hmm. And touch not your clean things, and I will receive you. Mm-hmm. And will be a father unto you, mm-hmm. and you shall be my sons and daughters, said the Lord Almighty. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Jesus was completely out of the flesh. Jesus war vollkommen raus aus dem Fleisch und nicht halb. Jésus-Christ était complètement en dehors de la chair. Il n'était pas moitié dans la chair et moitié dans l'esprit. Non, il était complètement. Amen. Until you are out of that, until you are completely out of the flesh, they will not hate you. Erst wenn du raus aus dem Fleisch, erst dann wird man dich nicht erst dann wird man dich anfangen zu hassen. Ils vont commencer à te détester quand tu sors complètement de la chair, quand tu es en dehors de la chair. Amen. Until you are completely out, you still belong to them. Erst wenn du komplett raus bist, sonst bist du immer noch Teil von ihnen. Parce que si tant que tu n'es pas encore sorti complètement de la chair, tu es toujours un d'eux. It means you still belong to Satan. Das heißt, du gehörst immer noch zum Satan. Ça signifie que tu appartiens toujours au diable. You cannot be one. You cannot be one with both. Du kannst nicht eins sein mit beidem. Parce que tu peux pas être un avec l'Éternel et le diable. You must choose. Du musst dich entscheiden. Tu dois choisir un côté. It is either heaven or earth. Entweder Himmel oder Erde. C'est le royaume des cieux ou l'enfer. Go to Revelation 12. Offenbarung 12. Mm-hmm. Amen. Amen. Revelation 12. Apocalypse 12. Offenbarung 12:12. Praise Apocalypse the Lord. 12. Amen. Amen. Amen. Amen. Revelation 12:12. I love you so much. Mm. Ich liebe diese Stelle so sehr. Moi j'aime vraiment ce verset biblique. It says rejoice, therefore. Therefore rejoice, you heavens. And you that dwell in them. Woe to the inhabitants of the earth and of the sea. For the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he harbored a short time. He said it's only heaven that is free. Nur der Himmel ist frei. Mm. Donc c'est pourquoi réjouissez-vous aux cieux et vous qui demeurez, malheur à la terre, à la mer, car le diable est descendu vers vous avec une grande fureur, sachant qu'il ne reste que peu de temps. Amen. Donc, c'est seulement le royaume des cieux qui est libre pour nous. Praise the Lord. Hallelujah. It's only heaven that is free. Nur der Himmel ist frei. Said you rejoice, you that are in heaven. Du sollst dich freuen, du, der in Himmel bist. Donc c'est pour cela que tu dois te réjouir dès que tu es au royaume des cieux. Donc ça signifie que toi, ici même, si, ici sur terre, qui habites dans le royaume des cieux. It means rejoice, you that belong to Christ. Du sollst dich freuen, du, der du zu Christus gehörst. En lettres mots, réjouis-toi, toi qui appartiens à Christ. It means rejoice you that is after Christ. Freu dich du, der du hinter Christus her bist. Donc rejouis-toi, toi qui es derrière le Christ, qui est en train de chercher le Christ. Rejoice you that your focus is Christ Jesus. Dessen Fokus nur auf Christus Jesus alleine liegt. Rejouis-toi parce que ta concentration est seulement le Christ lui-même. And the earth will always hate you. Und die Erde wird dich hassen. Because Satan is there. Weil der Satan da ist. Et la terre va toujours te détester parce que le diable est là. Amen. Amen. You know Galatians 5:16-17, it said they fight. There's fight. The flesh wrestles against the spirit, mm-hmm. and the spirit against, because they are opposite to one another. Mm-hmm. Amen. In Galater 5 steht, dass es einen Kampf gibt, weil das Fleisch gegen den Geist kämpft, und der Geist gegen das Fleisch, weil sie Gegensätze sind. Galater 5 nous dit qu'il y a toujours un combat spirituel, parce que c'est la chair qui est en train de combattre contre l'esprit, et l'esprit combat contre la chair. Let me just give you the secret of how to solve our problems. What man call problems here on earth. Ich gebe euch das Geheimnis, wie man die Probleme dieser Welt löst. Je vous donne le secret de comment l'être humain, comment on résout le comment résoudre le problème de c'est que l'être humain appelle problème de ce monde en fait. Oui. The heavenly conscience. Sei himmlisch gesinnt. Tu dois vraiment être ta conscience doit vraiment être céleste. If you look at Jesus, he was so heavenly conscious. Jesus war so himmelsbewusst. Er hat ein Himmelsbewusstsein. Donc, si tu vois par exemple Jésus-Christ, lui, il avait une conscience totalement céleste. Donc, il pensait pas comme le monde, mais comme son royaume, en fait. Remember where you are from. Erinnere dich daran, woher du kommst. Rappelle-toi d'où tu viens. Know that you are from there. Tu wisses, dass du von da bist. Tu dois savoir que tu viens de là. Don't doubt that you are from there. Zweifle deine Herkunft nicht an. Tu dois jamais douter d'où tu viens. You know, as a German citizen, we never doubt our citizenship. Als ein deutscher Staatsbürger zweifelt man diese Bürgerschaft nicht an. Étant par exemple nous les étant des Allemands, on va pas, on ne doute jamais de notre identité en fait, parce que nous sommes, on sait que nous sommes des Allemands et c'est comme ça qu'on doit aussi savoir. Even when we travel to another country. Si wir verreisen. Même si on est en train de voyager. Like we are in another country here on earth. The citizen of heaven, we are in another country. Genauso wie somebody gets in it. Sind wir in einem anderen Land, Bürger des Himmels. Et c'est de la même façon que nous sommes des étrangers ici. Nous sommes des citoyens du royaume des cieux qui sont ici, on est en train de visiter ici la terre. We never forget where we are from. And we never forget where we belong. Wir vergessen nicht, wohin wir gehören. Nous, on n'oublie jamais d'où on vient. On n'oublie aussi pas à qui on appartient. You know, when we go to Nigeria, you know, we are not going to forget where we are, that we are from here. Mm-hmm. Are you asking, you know, just naturally, mm-hmm. just talking about naturally now. Amen. Mm-hmm. If you ask a German citizen, go to Nigeria or go to South Africa or wherever, mm-hmm. or Congo, you never forget that you are to return, that mm-hmm. you have a place. Are you getting it? Mm-hmm. He said we should be heavenly conscious. Wenn du als deutscher Staatsbürger zum Beispiel nach Afrika reist und Nigeria bist oder Kongo oder Südafrika, sonst wo bist, vergisst du dennoch nicht, wer du auf Papier bist, wer du, zu wem du gehörst, zu welchem Land du gehörst. Und so sollen wir auch unserer himmlischen Identität bewusst sein, dass wir himmlische Staatsbürger sind und nicht zu dieser Welt gehören, obwohl wir hier auf dieser Welt sind. Et on doit encore se rappeler comme par exemple si comme nous sommes par exemple nous sommes des Allemands, on a des papiers allemands et on habite ici, mais quand on part par exemple en Afrique, on part au Congo, en Nigeria, je sais pas où, hein, on peut partir et voyager. On ne va jamais oublier qu'on doit retourner dans notre pays. On sait que nos lois sont selon notre pays et pas selon le pays lequel on visite. Colossiens 3:1-3. He said, if you then be risen with Christ, seek those things which are above. Mm-hmm. Where Christ seated on the right hand of God. Mm-hmm. Set your affection on things above. Not on things on the earth. Amen. For you are dead, and your life is hid with Christ in God. Mm-hmm. When Christ, who is your life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. You know, Jesus was so conscious of heaven. Mm-hmm. That's how he lived the life. Jesus was the only true God. Mm-hmm. Donc, on va voir que Jésus-Christ était vraiment conscient de qui est de son identité en Christ, donc du royaume des cieux. Et c'est comme John ça qu'il a été capable à vivre comme il a vécu. Johannes 6. John 6. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. John 6, 38. Johannes 6, 38. Jean 6, 38. He said, for I came down from heaven. You see it there? Mm-hmm. He was so aware of where he's coming, where he came from. Where he comes. Lui, il savait vraiment d'où il vient. Il a dit que car je suis descendu du ciel. His citizenship. Sa bürgerschaft. Donc, oui. Amen. D'où il vient. For I came down from heaven, not to do my own will, but the will of him that sent me. Amen. Also go to Mark 7, please. Mark 7. You see it there. Car je suis descendu du ciel pour faire Mark 7. Non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Mark 7. Mark 7. Mark 7, 34. Mark 7, 34. 34. Praise the Lord. Hallelujah. You know, he was always reminding himself of where he's from. That's please right. Learn where it. Come. It's where very important. Come. That's how to deal with things. Il s'est toujours rappelé d'où il venait. Et c'est vraiment important. Rappeler d'où il vient. Amen. This is a secret. That's un geheimnis. Ça, c'est un secret. And looking up to heaven, he sighed and said unto him, Ephphatha, that is, be opened. He looked up to heaven. Er hat an den Himmel. He, you know, he always tap into heaven. Gibt sich immer an den Himmel. Donc, on voit que, puis levant les yeux aux cieux, il poussa un soupir et dit, Ephphatha, et c'est à dire, ouvre-toi. Donc, ça signifie que lui, il a toujours vu aussi, oui, le royaume, il était vraiment conscient de son royaume. Any problem comes to you, remember that there's no problem in heaven. Mm-hmm. That's how it's vanished. Mm-hmm. Because you are not here, you are there. Mm-hmm. Go to John 17. Mm-hmm. Donc chaque fois que tu as un problème, rappelle-toi d'où tu viens. Tu viens du royaume des cieux, et dans le royaume des cieux, on n'a pas un problème. Et c'est comme ça que le problème part. Jedes Problem, was auf dich zukommt, erinnere dich daran, dass dieses Problem im Himmel nicht gibt. Denn du bist vom Himmel und nicht, nicht von Erden, ne? Parce que tu viens du royaume des cieux et pas de la terre. John 17, verse 1. John 17, Johannes 17, 1. Jean 17, verset 1. He said, this was feed Jesus and lifted up his eyes to heaven. 17. Praise the Lord. Amen. For him, it's all about heaven. Ihm geht es nur in Himmel. Pour le Christ, il ne s'agit que du is royaume des cieux. Mm-hmm. Amen. This word speak Jesus and lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour is come, glorify your son. And your son also may glorify thee. He looked up to heaven. Donc il a regardé au royaume des cieux. He wants us to be heavenly conscious. Er möchte, dass wir himmlisch gesinnt sein. Donc il veut qu'on puisse être censé, comme le royaume des cieux. Not to seek to go there, but to remember that you're already there. Mm. Are you getting it? Nicht dorthin gehen zu wollen, sich daran zu erinnern, dass man schon dort ist. Donc, je parle de chercher d'être au royaume des cieux, mais de se rappeler qu'on est déjà dans le royaume des cieux. Whatever is there, they are all your birthright. Was immer dort you know, ist, you have your birthright. Es ist dein Geburtsrecht. Et tout ce qui est dans le royaume des cieux, c'est déjà le droit de naissance. Oui, c'est sont tes droits de naissance, en fait. Amen. But you have to remember where your birthright is. Also, musst du dich erinnern, wo dein Geburtsrecht ist. Mais tu dois te rappeler où est ton droit de naissance. You don't seek to go to heaven, but you remember you are already there. Du suchst nicht danach in den Himmel zu gehen, sondern du erinnerst dich daran, dass du schon da bist. On cherche pas d'être au royaume des cieux. On se rappelle juste qu'on est déjà dans le royaume des cieux. That's how everything works in the kingdom of heaven. So funktioniert alles im Königreich des Himmels. Et c'est comme ça que les choses fonctionnent dans le royaume des cieux. And always come out into the manifestation. Und manifestiert sich dann auch. That's et c'est comme ça que ça se manifeste aussi. C'est comme ça que moi je fais tout. You release the secret. Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. Il seulement révélé mon secret en fait. Jesus was so heavenly conscious. Jesus war so himmlisch gesinnt. Donc Jésus était vraiment conscient de son royaume. He said, I am from above. Exact, ich bin von oben. Il disait qu'il vient du royaume. Mm. You have to remind yourself that where you are from. I am from above. Where you come, ich bin von oben. Et tu dois toujours te rappeler d'où tu viens et tu viens du royaume. Amen. Amen. No, John 8. Let's go to John 8. Johannes 8. On va lire Jean 8. Praise the Lord. Amen. John 8. Johannes 8.